Ces 12 bières que je m'enfilais, faut dire qu'on était samedi soir. S'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur les 106,6 MHz de Radio Campus, sur DAB+, ou sur campuslille.com, parce que vous allez écouter Angle d'Attaque, une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, eh bien justement, il sera question d'action citoyenne. Pour vous servir, Laurent, maître du temps, du pupitre, de l'animation musicale et du calendrier militant, Morgane le billettiste, Didier le nouvelliste, Quentin l'ingénieur, Ludovic au look gramscien n'est pas là aujourd'hui, mais on est suffisamment nombreux pour pouvoir tenir le coup. Et puis Christian au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui? J'ai parlé d'action citoyenne, eh bien on va parler de démocratie, rien que ça, un sujet brûlant. Démocratie dont on peut dire, avec la peur au ventre que la garde à vue nous menace, dès qu'il est question de Macron, d'Armanin, ou voilà, un peu violent. On est un peu violenté assez facilement dans ce pays actuellement. Eh bien, nous allons aborder quand même la démocratie sous différents aspects, bien sûr, mais particulièrement celui où les citoyens ont vraiment leur capacité de s'exprimer, les conventions collectives. Les conventions citoyennes. C'est ce que nous voulons, CQNV, c'est le thème, c'est le gimmick de notre émission, notre série. Pour en parler, nous avons au téléphone celui qui a porté le plus dans le domaine des conventions collectives, j'y tiens, des conventions citoyennes, le biologiste de la procréation artificielle et surtout, ce qui nous intéresse ici, l'humaniste qui a élaboré avec d'autres les conventions citoyennes et en fait une lutte de bataille, une bataille importante. Bonjour Jacques Testard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un petit mot quand même en passant. Il n'y a pas que moi qui te remercie. En te citant comme prochain invité à notre émission de radio, l'étudiante dont je suis tuteur dans une recherche participative, on y reviendra je pense, m'a demandé de te remercier, puisqu'elle est elle-même, comme elle dit, un bébé prouvette. Voilà, c'est fait. On sait combien il y a de procréations artificielles actuellement en France ? Pas dire de bêtises, mais je sais plus bien, mais on en fait beaucoup. Oui, j'avais lu des centaines de milliers quand même, quelque ouais. chose comme ça. On va revenir à la démocratie, qui sera notre thème aujourd'hui, avec les conventions citoyennes et pas collectives, comme je l'ai écrit sur mon papier. C'est Didier le nouvelliste qui pose la première question. Oui, bonjour Jacques Testard. Bonjour. Est-ce qu'il y a, bon, une question un peu provocatrice pour commencer, faut-il encore croire à la démocratie, au moins à la démocratie participative ? La participative, on fait semblant d'y croire puisqu'on va voter régulièrement, mais franchement, ça branle dans le manche, hein. Et on est obligé d'envisager d'autres pistes qui changeraient fondamentalement la façon d'envisager ce qu'on appelle la démocratie. En particulier avec la démocratie participative. Délibérative. Délibérative, oui, tout ce que vous préconisez. Oui, la démocratie délibérative, on parle effectivement du Parlement, j'imagine. C'est bien de ça dont tu parles. Pour le moment, il n'y a que le Parlement qui délibère officiellement. Oui. Mais si le peuple pouvait délibérer dans des instances à créer, ce serait tout bénéfice. Hein. Oui, alors, effectivement, dans la démocratie participative, je reviens sur participative, hein, c'est une chose que se sont appropriées, mais trop appropriées, les élus locaux, en fait. Hein, moi, je sais que dans des villes comme la mienne, à Lille, par exemple, on parle de démocratie participative, dans les conseils de quartier, où les conseils de quartier sont effectivement présidés par un adjoint au maire ou un maire adjoint, l'un ou l'autre, Et puis on nous dit, en gros, on nous laisse finalement très peu de marge de liberté par rapport à des décisions qui pourraient être les nôtres, quoi. Donc on apporte des choses, évidemment. On dit que les trottoirs sont pas suffisamment propres, des choses comme ça. Mais rien qui puisse faire démarrer des choses importantes, quoi. On nous demande un peu aussi quand même à Lille de savoir quel montant de subvention on va accorder à telle association du quartier. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais c'est très insatisfaisant. Moi, j'ai pas pu tenir la durée d'un mandat, c'est-à-dire 6 ans, quoi, puisqu'on fonctionne avec les municipales. Donc, au bout de 3 ans, j'ai plié bagage en les remerciant de leur sympathie. Oui, c'est très insatisfaisant, mais les gens s'en satisfont parce qu'ils savent pas qu'on pourrait faire autrement. C'est ça qui est l'astuce de ceux qui nous dirigent. Ils font croire que la démocratie, c'est eux, et c'est la seule façon de faire. Mais à partir du moment où on montre qu'il y a d'autres façons de faire, ça peut changer la donne. Et on va y venir tout au long du débat, mais les notions de démocratie participative, démocratie directe, comment vous articulez un peu ça, toutes ces... Il y a plusieurs formes, justement, démocratiques, qui se prétendent telles, et qui sont un peu, sinon en concurrence, qui sont assez nombreuses, quoi. Oui, il n'y en a pas tellement. Hein. La démocratie directe, finalement, c'est l'extrême. C'est-à-dire que c'est les gens qui décideraient directement. Alors, autrement, ce qu'on vit actuellement, c'est la démocratie participative, c'est-à-dire on vote régulièrement pour élire des délégués qui ont tout pouvoir pendant leur mandat pour prendre des décisions en notre nom. Et puis, la démocratie délibérative, eh ben, c'est un truc intermédiaire où on aurait, où finalement, il y aurait des structures qui permettraient d'organiser les gens pour qu'ils prennent non pas des décisions, mais qu'ils prennent des dispositions, des avis sur des sujets assez précis, et que ensuite ces avis-là soient avalisés soit par un référendum, soit éventuellement, on retombe un peu là-dessus, par les élus réunis comme d'habitude. Et c'est là qu'est un peu le point qui blesse, c'est que on risque de retomber sur des assemblées d'élus qui bousillent tout le travail, qui le méprisent, qui le négligent, et que tout le travail qui a été fait par les citoyens a servi à rien. C'est un peu ce qui ressort des conventions Macron récemment. Oui, on va y revenir également. Hein. Mais ce que disait... J'avais repéré cette phrase de Manon Loisel qui vient d'écrire un bouquin contre la démocratie participative. Elle dit cette phrase, elle dit « La démocratie participative accentue la crise qu'elle prétend résoudre. » Oui, la crise démocratique. Oui. J'ai pas lu le bouquin. Mais... Non, mais en fait, elle dénonce le côté anti-redistributif, quoi. Absolument. C'est-à-dire que... Absolument, oui, là, elle a tout à fait raison. Oui, oui, oui, c'est un leurre, la démocratie participative, parce qu'on ne participe pas, en réalité. Mais hélas, la plupart des gens croient que c'est ça, la démocratie, et il n'y a pas d'autre façon de faire. Oui. C'est effectivement ce qu'on craint, parce que moi aussi j'ai vécu ce genre de choses, puisque je suis militant associatif, je me rends compte dans une assemblée que ceux qui parlent, c'est ceux qui ont une certaine facilité de parole, c'est des délégués syndicaux, c'est des représentants d'associations, c'est des élus le cas échéant, et puis toute une partie du public est hors jeu en fait, y compris d'ailleurs un autre auteur avec qui on a travaillé dans la recherche participative à l'ATAC, disait que même les lieux sont impressionnants pour certaines personnes, quoi. La mairie de Lille, un bâtiment, les gens n'ont pas l'habitude de ce genre de bâtiment, avec du marbre, des choses comme ça, des bureaux immenses, ils sont pas du tout à l'aise, quoi. Et pour qu'ils prennent la parole, c'est loin d'être facile. Donc il y a quelque chose de très pesant aussi, et quand on regarde avec un peu de hauteur, le déroulement d'une session comme ça. Les gens sont impressionnés parce qu'ils sont en minorité. si vous collez un citoyen ordinaire au milieu de 15 apparatchiks, effectivement, ils sont écrasés. À ce moment-là, les lieux deviennent écrasants. Mais si vous faites une réunion de gens qui sont tous des citoyens ordinaires, parce qu'ils ont été tirés au sort, et qu'il n'y a aucun élu parmi ceux-là, bah, ça change complètement. Et c'est le cas des conventions citoyennes. Donc ça change complètement leur rapport. Ils n'ont plus peur d'intervenir. Et au contraire, ils s'émerveillent un petit peu d'avoir ce petit pouvoir. On va y revenir. Ouais, Quentin. Oui, un des défauts aussi de la démocratie qui passe par la représentation, je pense, c'est aussi parfois le manque de transparence ou vraiment, au contraire, le voile qui se met sur les échanges où en fait des décisions sont prises, mais on n'a pas toujours le détail du positionnement des personnes et de la raison. De la cohérence entre un programme politique sur lequel ils sont engagés et un vote au final, que ce soit au Parlement français ou au Parlement européen. Oui, c'est quasiment la règle même. Dans cette façon de garder une partie secrète, c'est une façon d'augmenter encore le pouvoir, parce qu'on ne sait pas d'où sortent les décisions précisément, et qu'il n'y a pas d'objection publique importante. Donc ça permet de maintenir un voile au-dessus de tout ce qui est décidé. Entendu. On veut peut-être passer effectivement, aux conventions citoyennes dont nous avons été les témoins, avant d'aborder le gros du sujet, à savoir les conventions citoyennes telles que tu les as défendues dans ton bouquin en 2015. Ces deux conventions citoyennes, j'imagine qu'elles ne t'ont pas vraiment satisfaite, les conventions climat et conventions fin de vie. C'est ambigu. Les citoyens m'ont très bien satisfait par leur travail. Oui. Et ça a confirmé ce qu'on savait déjà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les Français ont cru, parce que les journalistes leur ont raconté ça, que Macron avait inventé une nouvelle forme de participation. En fait, il y a eu des milliers de conventions citoyennes sous des noms différents. Hein. Ça s'est souvent appelé conférence de citoyens, mais il y a plein de noms. Mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire que des gens tirés au sort vont apprendre et discuter et décider. Et Macron a repris le truc. Et dès le début, moi j'ai été à la fois content parce que ça permettait de parler d'un nouveau système, et puis en même temps sans illusion, parce que je savais bien que ça servira à rien, parce que toutes les résolutions des citoyens qui peuvent être nocives au développement économique, à la compétitivité, à tout ce qu'on nous serine tous les jours, tout ça serait éliminé. Et il y en a beaucoup, forcément. Donc, c'était intéressant, mais les Français se sont fait une illusion là-dessus. J'espère qu'ils vont commencer à comprendre et qu'ils vont pas condamner les conventions citoyennes sous prétexte que, à cause de Macron, elles n'ont pas vraiment servi à quelque chose, mais qu'ils vont comprendre que c'est un outil extraordinaire pour la démocratie qu'on pourrait mettre en place et qu'il faut l'imposer aujourd'hui. Et il est indispensable aujourd'hui de cultiver ce système et donc d'imposer. Macron va faire une nouvelle convention citoyenne, on ne sait pas sur quoi. Mais c'est ça qui est extraordinaire aussi. Ça veut dire que c'est même pas les gens qui la demandent. C'est lui qui se demande ce qu'il va faire. Et c'est dramatique, quoi. Alors la façon d'avancer là-dedans, c'est de rentrer ces conventions citoyennes dans la loi ou dans la Constitution française, afin que ce soit plus un exercice comme un jeu, où on fait n'importe quoi, où les règles du jeu sont pas définies, et où en particulier, à la fin, c'est toujours le président qui gagne. Donc, on a l'intention, on est en train actuellement à Sciences Citoyennes, on travaille avec quelques élus et des juristes pour proposer une loi, ce qu'on avait déjà fait il y a plus de 15 ans, et puis ça n'a rien donné du tout, mais aujourd'hui peut-être que la situation a mûri, et on va donc proposer une loi pour que ces conventions citoyennes deviennent autre chose qu'un gadget, mais avec des règles et avec des obligations pour ceux qui les organisent de suivre la vie des citoyens. Et ça me paraît être la seule façon d'avancer. Oui, peut-être aussi que, compte tenu de ce que Macron a fait des conventions citoyennes, c'est un peu chat échaudé craint l'eau froide, quoi. Peut-être que les gens vont être un peu plus attentifs. Rappelons-nous que les 149 propositions qui ont été faites pour le climat, une petite quinzaine a été retenue, alors que il était prévu que tout serait appliqué. C'était l'engagement du président qui tient pas beaucoup ses engagements, peut-être avec les milliardaires, mais c'est un autre débat. Mais en même temps, et pour la convention fin de vie, on est aussi dans quelque chose d'assez spectaculaire, puisque le projet de loi reprend, ce qui est absolument extraordinaire, le projet de loi reprend ce que dit ce qu'a dit en 2022, donc bien avant la convention collective, le Comité consultatif national d'éthique. Dans l'exposé de ses motifs. Et donc, là aussi, les citoyens qui ont participé, et qui, c'est assez remarquable, d'ailleurs, j'avais noté ce que tu disais dans ton bouquin, c'est assez remarquable comme les gens qui ont participé disent, mais nous, on a dit quelque chose, pourquoi on ne nous respecte pas, quoi. Et j'allais dire, même quand bien même sur la convention citoyenne sur le climat, tu parlais d'une quinzaine de mesures qui avaient finalement été prises en compte. Je crois que de mémoire, une des mesures, c'était l'interdiction des vols intérieurs. On arrive au final à deux vols supprimés, en fait, deux lignes supprimées. Donc, oui. Bah oui, c'est sûr. Non, mais le pouvoir a tout pouvoir sur ce qu'il va faire, et ça, c'est pas possible. En même temps, on peut pas dire que le résultat d'une convention citoyenne, c'est une loi. Et c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire, et que ce serait de la démocratie directe. Alors là, ça gêne beaucoup. Je pense, si je veux être optimiste un moment, je pense que c'est comme ça qu'on va finir. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, on va arriver à reconnaître que une convention citoyenne bien faite, c'est une loi. Mais on n'en est pas là, loin de là. Donc, pour le moment, une convention citoyenne bien faite, c'est un message vis-à-vis du pouvoir, c'est-à-dire des députés, des sénateurs, mais qui doivent absolument rendre compte de ce qu'ils vont en faire, c'est-à-dire justifier leur vote, que ça doit être des votes individuels et non pas par groupe, mais que chaque élu doit s'engager devant ce qu'ont proposé les citoyens pour dire « je suis pour ou je suis contre ». Et c'est pas sur l'ensemble, hein, c'est sur chaque proposition, parce qu'il y en a beaucoup, comme on l'a vu, là il y en a plus de 100. Donc là-dessus, c'est comme ça qu'on devrait faire, pour le moment. Et puis peut-être qu'un jour, on pourra arriver à être assez assuré que la procédure est fiable et se passer complètement de cette dernière partie. C'est-à-dire peut-être qu'un jour, c'est carrément la Convention citoyenne qui deviendra la façon d'établir la loi. Oui, on peut toujours espérer. Le Parlement va faire blocage, à mon avis, mais le gouvernement aussi. Oui, question de Quentin. Oui, moi, je me demandais, par rapport au dispositif de la Convention citoyenne pour le climat, à l'époque, quand le rapport était sorti, j'ai pu en lire alors une partie. Et je me demande, parce que, pour moi, l'intérêt de la Convention citoyenne, en général, c'est une bonne représentativité, et de cette représentativité, ça donne une légitimité. Et ce qui m'a manqué au moment où les résultats de la Convention citoyenne sont sortis, c'est que je voulais en parler à mes proches qui sont assez loin de l'écologie en général. Et en fait, c'était trop, parce que les comptes rendus des débats, c'est des documents de 20 pages, parce qu'il y avait 150 propositions qu'il fallait éplucher, comprendre. Et je trouvais que le traitement médiatique a juste pris les bords les plus saillants, a dit « Oh là mon Dieu, on va mettre les autoroutes à 110 km/h, vous vous rendez compte ?» Et en fait, pour que tous ces citoyens et se sont tombés d'accord sur cette décision de descendre, je prends par exemple les autoroutes à 110 km/h, c'est qu'ils ont dû avoir de l'information, des débats qui les a amenés à ça. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est pertinent et comment on peut faire pour accompagner le public en général à être aussi informé que les citoyens qui débattent dans la convention citoyenne pour avoir un avis éclairé. Et du coup, bah, la question, c'est est-ce que ça ne devrait pas donner lieu à des émissions de télévision, à des émissions de radio nationales, à vraiment une publicitarisation d'ampleur de l'information qui est mise à disposition des citoyens pour que la France entière se pose la question avec les mêmes informations et tombe pas juste du lit en dernière minute avec un rapport de 150 pages qui est pas accessible. L'éducation populaire aussi. Oui, alors ça, effectivement, c'est l'éducation populaire, mais c'est un peu illusoire parce que de dire on va faire l'éducation populaire, on n'a plus besoin de convention citoyenne finalement. C'est un peu naïf parce qu'on en parle beaucoup de cette éducation populaire. Elle est nécessaire, elle est bien sûr utile, et plus les gens seront concernés par ce qui se discute, plus on sera en démocratie. Mais il y a quand même un moment où il faut porter un avis sur des points qui sont compliqués. Qui sont compliqués parce que chacune des propositions des citoyens, ça repose sur un travail énorme. Et on n'imagine pas que des gens comprendraient comme ça, que tous les gens pourraient assumer ce travail. Ils vont même pas voter déjà. Mais ils n'ont pas ce travail qui est énorme et qui n'est pas récompensé. Donc, il y a un moment où il faut imaginer qu'on va avoir un échantillon de la population qui va accepter de se coltiner ce travail et qui va le faire consciencieusement. Et par chance, la nature humaine est faite comme ça. Il y a des gens... alors, il ne faut pas prendre des volontaires, hein, sinon on va retomber sur les apparatchiks en général, et on ne fera rien de neuf. Hein. Mais il faut donc les tirer au sort, et que quand les gens sont tirés au sort, ils peuvent refuser, parce que c'est un boulot énorme. Mais ceux qui acceptent, qui sont une minorité, ça devient des super citoyens qui vont pouvoir raisonner et préparer des résolutions pour tout le monde, dans l'intérêt de tout le monde. Parce que, on n'en a pas parlé encore, mais on veille à ce que ces citoyens-là, tirés au sort, soient de la population ordinaire et soient pas des gens qui ont un intérêt particulier à une certaine résolution de l'affaire. Sinon, on va tomber dans des conflits d'intérêts et tout ça. Donc il faut que ces gens-là n'aient pas d'intérêt particulier, et heureusement, il y en a quand même, mais et il faut qu'ils soient représentatifs, c'est-à-dire qu'il y ait la plus grande diversité possible dans la population. Alors, il faut prendre en compte, bien sûr, le sexe, j'allais dire c'est facile, ça devient de plus en plus difficile, mais en gros, il y a des hommes et des femmes. Et puis, il faut prendre aussi les métiers, les occupations, la forme d'instruction, le niveau d'instruction, un tas de choses qui sont prises en compte pour avoir des représentants, si bien que dans une convention citoyenne, théoriquement, il n'y a pas besoin de 150 ou 200 personnes, comme l'impose Macron dans ses conventions, qui sont un truc énorme, qui coûte une fortune. C'est-à-dire une convention citoyenne normale, telle qu'on en a vécu avant Macron, parce qu'il y en a quand même eu, en France et ailleurs, ça coûtait à peu près 300 000 euros. C'est déjà beaucoup, mais c'est rien par rapport aux 8 millions qu'auraient coûté les conventions Macron, chacun. Ah. J'ai le chiffre, c'est 7 millions pour la première, et on a gagné 6 pour la deuxième. 6, c'est-à-dire 6 millions d'euros pour la deuxième, ouais, pour la fin de vie, et 7 millions pour le climat. On a économisé, alors. On a économisé, oui. C'est quand même énorme. Ouais. Une convention citoyenne peut se faire avec beaucoup moins d'argent, et il faudrait. Bon, c'est rien du tout par rapport au budget de l'État. Oui. Mais n'empêche que si on veut réguler la démocratie avec ce mécanisme-là des conventions citoyennes, il ne faut pas qu'elles coûtent une fortune à chaque fois non plus. Sinon, on va en faire très peu. Donc, moi, je pense que dans la situation actuelle de ce qu'on appelle la démocratie, il faut en faire le plus possible. Et bon, c'est pour ça qu'on a imaginé des outils, on va en parler peut-être, mais... Voilà. On peut faire un pas de côté, une seconde, avec... Oui, Morgane. Alors justement, vous parliez de faire appel à des citoyens ordinaires pour le tirage au sort. Donc, alors de mémoire, c'était aussi, par exemple, sur une question de la convention citoyenne sur l'énergie, par exemple. Bah, si on se rend compte dans le tirage au sort que la personne travaille sur le retraitement de déchets nucléaires, non, on le met de côté. Alors moi, je voulais. C'est arrivé. Hein. Ouais. C'est arrivé dans une convention ancienne. Dont j'étais d'ailleurs membre du comité de pilotage en 2002, une convention climat où avait été tiré au sort un ingénieur du CEA et il a été éliminé. Alors là, il paraît que comment il s'appelle ça me sort. Enfin, le député européen franco-allemand bien connu. Daniel Cohn-Bendit. Oui, Cohn-Bendit aurait été tiré au sort sur la Convention climat. Bon, ça paraît assez invraisemblable, mais il l'a dit lui-même et il a refusé. Bon, ce qui est la moindre des choses, parce qu'il était mal placé pour être une personne neutre, hein. Mais ça paraît invraisemblable qu'il ait été tiré au sort. Et je sais par ailleurs qu'il y a dans la même Convention climat un type que je connaissais par Internet, puisque dans les discussions sur les conventions citoyennes qu'on a menées pendant 2 ans, on a eu des interlocuteurs, et il en était. C'est-à-dire que c'est un consultant qui est très impliqué dans ces projets de conventions citoyennes, où il est très intéressé, et il se trouve qu'il a été tiré au sort. Bon, je suis quand même étonné de ces coïncidences, mais bon, c'est presque un détail, mais ça montre quand même un état d'esprit qui n'est pas vraiment démocratique. Ouais, je pensais surtout à quel moment, que ce soit pour la prise de décision ou même pour l'information aux citoyens, bah, dans ce cas-là, on peut faire appel à, on va dire, des experts, des gens du terrain et qui ne sortent pas de cabinet de conseil. Je pensais aux corps intermédiaires. À quel moment, du coup, on peut les faire intervenir ? Oui, on peut les faire intervenir, mais dans le système qu'on propose pour les conventions de citoyens, qui est assez différent de celui des conventions Macron, il y a un comité de pilotage, lequel est nommé par le comité d'organisation. Comité d'organisation, c'est un organe neutre, c'est lui qui prend la responsabilité d'organiser la convention, et il va pour ça s'assurer le concours d'un comité de pilotage qui va avoir le plus grand rôle finalement là-dedans. Et ce comité de pilotage, il est composé de personnes qui sont connues pour avoir... Alors, c'est pas du tout des gens neutres, hein. C'est des gens qui ont fait des choix, et bon, il faut accepter les gens qui ont fait des choix, mais à condition de leur mettre en face quelqu'un qui a fait un choix contraire. Et donc, il doit mettre dans ce comité de pilotage des gens qui ont choisi, qui ont pris des solutions, lesquelles sont connues en général publiquement, ils ont écrit un bouquin, ils ont fait des choses, et on leur met, on met un autre en face qui propose quelque chose qui n'est pas, qui est très différent. Et pour différents points de vue comme ça. Et ce comité de pilotage, il n'y a pas 150 personnes, il y en a une dizaine, mais il y a quand même une contradiction entre les membres. Ce sont donc des experts, sans aucun doute, puisqu'ils ont vraiment travaillé là-dessus, mais ils ne sont pas arrivés aux mêmes conclusions. Et on leur demande une chose, ils ne vont jamais voir les citoyens, ces gens-là. Ils vont seulement construire le programme, en se mettant d'accord, par consensus, sur qui il faut inviter comme formateur, combien de temps de parole il faut lui donner. C'est l'essentiel de leur boulot. Et c'est très dur, ils s'engueulent évidemment. Mais ils finissent par trouver, par consensus, un accord pour ça. Alors ça, c'est ce qu'on propose, et c'est ce qui a existé déjà. Je parlais tout à l'heure de la première convention climat, qui était en 2002, c'était comme ça. Ça a été fait comme ça. Il y avait des gens qui avaient plusieurs avis. Il y avait Jean Covici, par exemple, dedans. Il y avait des gens comme ça, dans le comité de pilotage. Mais ils n'ont jamais vu les citoyens, et on leur mettait en face quelqu'un qui était d'un mouvement contre l'atome, contre, bref, qui avait une position contraire, et tous intervenaient ensuite, enfin, faisaient intervenir des experts qui n'étaient pas eux, mais qui étaient des gens dont on pouvait espérer qu'une certaine neutralité, ou du moins qui couvre la totalité du sujet, parce que ils ont été choisis en accord avec des gens qui ont une position A et des gens qui ont une position B. Donc c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et ce comité de pilotage, c'est vraiment fondamental. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les deux conventions Macron ? Il n'a pas fait ça. Ils ont fait un comité de gouvernance. Déjà, entre pilotage et gouvernance, on pourrait parler longtemps. Oui. Mais c'est un comité de gouvernance. Et ça a été fait, on ne sait pas bien comment. Moi, j'ai demandé aux organisateurs, qu'est-ce que c'est que ce comité de gouvernance ? Pourquoi vous n'avez pas fait un comité de pilotage ? Ils m'ont dit, on n'a pas eu le temps. Bon, c'est vrai que c'est plus long de faire de la vraie démocratie, mais ce n'est pas la peine de faire de la pseudo-démocratie. Donc, là-dedans, dans ce comité de pilotage, il y a un tas de gens divers, dont on sait des fois ce qu'ils pensent, des fois on ne le sait pas, mais il y a sûrement quelqu'un qui le sait à notre place. Et ce comité de gouvernance, il a beaucoup de pouvoir, puisqu'il intervient sur un tas de choses, y compris, il intervient quotidiennement auprès des citoyens. Chaque fois que la convention se réunit, le comité de gouvernance vient et puis apporte la bonne parole, reguide les citoyens dans la bonne voie. Enfin bref, il a un pouvoir de guidage, de gouvernance qui est démesuré. Alors que dans ce qu'on propose, le comité de pilotage, il ne voit jamais les citoyens. Il n'intervient pas auprès d'eux. Il intervient par les gens qu'il a décidé de faire intervenir, c'est tout. Donc c'est très très différent. Et là, on voit déjà qu'il y a une entorse à la démocratie. Quand on fait intervenir un groupe de personnes dont on ne sait pas d'où ils sortent, ils ont été désignés comme ça, et puis ils ont un pouvoir énorme ensuite pour guider toute la réflexion des citoyens, y compris les questions qui se posent, quelles résolutions il faut faire, quels avis il faut avoir à la fin. Bon, ça, c'est vraiment se foutre du monde. Quentin ? Oui, on comprend la sensibilité du choix des personnes. Alors du coup, comité de gouvernance pour les conventions citoyennes qui ont été faites récemment, mais du comité de pilotage pour la convention citoyenne que vous proposez. Une question que je me pose aussi, c'est parce que ce qui me fait peur, moi, c'est je vois dans les médias des plateaux sur des sujets où on invite un peu n'importe qui pour dire n'importe quoi. Et quand on parle de dissensus, donc d'amener des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que l'objectif, c'est que ce soit, par exemple, des personnes qui sont d'accord sur une méthode de preuve, par exemple. C'est tous des scientifiques qui ont publié des articles. Et on n'a pas le premier zozo venu. Enfin, moi, je pense par exemple à la crise Covid avec les interventions du professeur Raoult, où on a mis énormément de temps à se rendre compte que c'était pas quelqu'un de si sérieux que ça. Et ce qui m'inquiète un peu, voilà, c'est que si on prend des gens pas d'accord, bah, si on prend le réchauffement climatique, on pourrait avoir des climato-sceptiques qui ont autant d'expression, autant la parole que des personnes qui suivent les recommandations du GIEC. Et c'est quelque chose qui peut poser problème. Oui. Il se trouve que même dans le comité Macron, il n'y avait pas de climato-sceptique, hein, je ne crois pas du moins, parce que c'est tellement bête. On est bien d'accord. C'est comme dire on est raciste, il y a des choses dont on doit parler, il ne faut pas les cacher, mais on sait bien que c'est dépassé complètement. Et que bon, et parmi ceux qui ne sont pas climato-sceptiques et ceux qui croient vraiment au changement climatique, il y a des opinions diverses. Et c'est celle-là qu'il faut faire entendre. Et là, je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, c'est de savoir si on fait entendre directement les acteurs principaux, ou bien si on fait entendre des gens qui sont un peu plus objectifs, parce que c'est un prof de fac, c'est un type qui a écrit un bouquin, et qui n'ont pas une opinion complètement tranchée, si ce n'est pas ceux-là qu'on fait intervenir. Mais il faut de toute façon qu'il y ait plusieurs sons de cloche. Veut dire que on peut pas espérer que la vérité est dans un bonhomme tout seul. La vérité, c'est le résultat d'une confrontation de points de vue dont certains sont un petit peu dans l'erreur, tous d'ailleurs, tous sont un petit peu dans l'erreur. Il y a pas, moi je suis scientifique, hein, mais la vérité, je m'en méfie beaucoup. À part de faire quand on fait une opération, il y a un résultat, 2 et 2, ça fait bien 4. Mais quand on est dans la vie entière et que des humains sont confrontés avec des événements du climat, par exemple, ou avec la mort, on ne peut pas raisonner comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Ça fait intervenir tellement de choses que personne ne peut prétendre. Je peux répondre là-dessus ce qu'on doit dire. Donc il faut faire intervenir des gens différents. Moi, je ne suis pas contre l'expertise, à condition qu'il y ait toujours une contre-expertise. Et à partir de là, c'est aux gens de se faire un avis. Alors les gens, c'est qui ? Ben, dans les conventions citoyennes, c'est les citoyens tirés au sort qui vont se faire un avis à partir de ce qu'on leur a donné. Alors on fait intervenir donc des gens qui peuvent avoir des avis tranchés, à condition qu'il y ait aussi des gens qui aient le même temps de parole, qui ont des avis tranchés dans l'autre sens. Sachant que ce qui était décidé à l'instant T ne sera plus valable l'instant T plus 1 ou T plus 2, non ? Oui, oui, ça c'est bien possible. Mmh. Oui, on ne peut pas être définitif, mais on peut quand même articuler des grandes lignes. Quand par exemple les citoyens disent il faut supprimer les vols aériens, bon, c'est quelque chose qui sera encore valable et même beaucoup plus valable dans 10 ans. Mmh. On passe à une question, on est en train de se poser la question de qui va poser une question là maintenant. Effectivement, donc, je voulais dire aussi que pour ceux que ça intéresse, sur le site Sciences Citoyennes, il y a le schéma de la démarche de la Convention citoyenne avec effectivement le comité pilotage. Et ce que tu disais m'a fait rappeler que le comité de pilotage n'est pas du tout en contact avec les citoyens qui discutent. Absolument. Et c'est pas du tout comme les conventions Macron ou le comité de gouvernance. C'est des gens qui sont supposés savoir un tas de choses, y compris comment on parle aux citoyens et comment on leur fait la leçon. Et là, il y a des citoyens, d'ailleurs, qui se sont émus dans la convention fin de vie en particulier, parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur dictait ce qu'il fallait faire. Ben, ça ressemble à ça, en effet. Oui, pour finir. Oui. Alors c'est évidemment ce qu'il faut éviter, sinon c'est plus une convention citoyenne et c'est plus la démocratie. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une structure qui soit très bien définie. Et nous, on a donc, il y a très longtemps qu'on travaille là-dessus, à Sciences Citoyennes, et il y a au moins, il y a 15 ans qu'on a déjà défini ce que doit être une convention citoyenne, avec à peu près tout ce que j'ai dit déjà. Mais on a voulu trouver des alliés. Trouver des alliés dans le monde associatif, et on a donc engagé un programme de discussion avec des associations, avec Greenpeace, avec ATTAC, avec les Amis de la Terre, avec tous ceux qui voulaient bien, et où on a discuté de tous les points qui interviennent dans une convention citoyenne pour savoir comment les définir. Alors, on n'avait évidemment pas le pouvoir sur ce truc-là, on était un des membres participants. Et je dois dire que je suis assez satisfait de voir qu'on est arrivé à la conclusion que l'accord des gens s'est fait sur ce qu'on avait déjà écrit il y a 15 ans. Et on a donc une petite... Vous trouvez ça aussi sur le site de Sciences Citoyennes. On a comme une petite brochure qui est les principes et les lignes rouges des conventions citoyennes dans lesquelles on précise tout ça et pour lesquelles on a plusieurs associations qui ont déjà donné leur accord. Mais il n'y en a pas assez. Parce qu'on pense que si on veut faire le poids auprès du pouvoir, il faut arriver à regrouper des forces de la société civile. Donc on est toujours en train de chercher ça. Et en parallèle, je vous dis, on est en train de faire un projet de loi qui reprend ça. Avec les mêmes associations ? Alors le projet de loi, on dit que c'est pas des assos vraiment qui le font, c'est un député qui propose. Oui. Donc on a trouvé des députés qui accepteraient. Qui même seraient ravis apparemment de proposer ça, mais ils appartiennent à la NUPES évidemment, donc c'est pas les députés qui ont le vent en poupe, mais il faut qu'on arrive à... On peut arriver à convaincre des gens, y compris de droite, hein. Moi je sais qu'il y a 15 ans j'avais pris mon bâton de pèlerin pour aller expliquer à des députés ce qu'était ce qu'on appelait à cette époque des conférences de citoyens, mais c'est la même chose, hein. Et j'ai trouvé des députés, par exemple le député Jean Leonetti, qui est vraiment un député de droite, mais qui avait complètement pigé le truc et qui était enthousiasmé par l'idée. Donc on peut arriver à trouver des alliés sur le principe. Quand on est dans un cas concret, bien sûr, alors on va être confronté à des intérêts économiques, un tas de choses. Et là, je crois qu'on verra renaître des positions de parti, forcément. Mais sur le principe, on peut arriver à trouver des gens qui comprennent ce que c'est et qui sont d'accord pour le faire. C'est pour ça qu'on ne désespère pas d'arriver à faire voter une loi ou à inscrire dans la Constitution les conventions citoyennes. Entendu. Alors, il nous reste quelques minutes, Jacques. Et puis, on a trouvé quand même, on a quand même fort intéressant, et je recommande à nos auditeurs et auditrices d'aller faire un tour sur Sciences Citoyennes, qui est un site vraiment intéressant. Et puis, j'ai découvert, d'ailleurs, je ne savais pas que ça faisait partie, que la recherche participative faisait partie de la science citoyenne. Parce que pour faire de la recherche, il faut faire de la science. Et la science, c'est pas la propriété des scientifiques. La science, c'est quelque chose qui est élaboré par la société. Donc on pense, depuis le début, c'est comme ça qu'on a créé Sciences Citoyennes en 2002, on pense depuis le début que les citoyens doivent intervenir davantage dans la recherche, non pas en prenant la place des chercheurs dans les laboratoires. Hein. Il y a des, il y a tout ce qui est technique, tout ce qui est d'un savoir-faire particulier, du métier de chercheur, ça reste évidemment aux chercheurs. Mais en intervenant, y compris dans les protocoles, en intervenant dans le plan, dans combien on va mettre d'animaux, ou en expérience, qu'est-ce qu'on va leur faire, et pourquoi faire, et qu'est-ce qu'on va en tirer, en réfléchissant intelligemment sur l'intérêt de la recherche, et surtout sur l'orientation des recherches, parce qu'il est évident qu'un pays, même assez riche comme la France, ne peut pas faire toutes les recherches possibles. Il fait une certaine partie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la non-recherche, c'est-à-dire ce qui n'est pas fait. Parce que ce qui est fait, c'est ce qui intéresse le capital. Et ce qui n'est pas fait, c'est ce qui l'intéresse pas. Et dans ce qui n'est pas fait, il y a plein de recherches que les citoyens demandent. Donc, il faut absolument que les citoyens se mêlent aussi de ça. La recherche n'est pas l'affaire des chercheurs. Et alors, donc, je vais peut-être terminer là-dessus. Effectivement, ce que tu dis est très enthousiasmant, notamment sur le fait que les gens qui participent aux conventions citoyennes, manifestement, se remplissent de leur mission et gagnent je sais le mot que tu emploies, en humanitude. Tu peux en dire un mot, s'il te plaît ? Oui, c'est ça. Vraiment, en suivant ça... parce que moi, je ne suis pas intervenu dans des conventions citoyennes directement, puisque j'ai présidé un comité de pilotage en 2002, c'est longtemps, mais j'ai trouvé le truc tellement extraordinaire que je me suis intéressé à toutes celles qui ont eu lieu. Il y en avait déjà eu une avant celle-là, c'était une convention sur les OGM organisée par le Parlement, par l'Office parlementaire des choix scientifiques, et qui était aussi extraordinaire. Ça, c'était en 98, donc ça fait longtemps que ça traîne. Et depuis, il y en a eu une bonne quinzaine de nationales en France. Il y a aussi beaucoup de conventions diverses au niveau local. Mais au niveau national, on peut dire qu'il y en a eu une vingtaine qui méritent le nom de convention citoyenne, enfin qui le méritent, mais qui ont rarement été dans les critères qu'on demande. Sauf celle de 2002 sur le climat, qui était exactement ce qu'on propose. Donc, je me suis aperçu, parce que j'ai été... vous savez, à la fin, quand les citoyens rendent leur avis, c'est un événement public. C'est-à-dire, on peut aller dans la salle, parce que... Et ça, c'est normal, parce qu'à ce moment-là, ils ont déjà écrit leur avis. Oui. Et on peut plus les influencer, on peut plus changer des choses, donc il n'y a plus de lobbying possible. Alors, on peut intervenir dans les salles, et on peut intervenir, je dirais, être présent, et écouter, et de voir les citoyens, et de discuter avec eux, y compris. Et j'ai été vraiment surpris de voir l'enthousiasme que ces gens-là manifestaient, de voir aussi dans les avis, la générosité qu'il y a dans les avis. Jamais une convention citoyenne ne va être contre les défavorisés. C'est assez fabuleux, et ça, c'est pas une leçon qu'on leur donne, c'est quelque chose qui se fait spontanément, parce que les gens, quand ils sont ensemble, surtout des gens qui ne se connaissent pas, et qui sont d'origine variée, puisque vous allez avoir des médecins, des femmes de ménage, des ajusteurs, des chômeurs, toutes sortes de gens, eh bien, quand ils sont d'origine variée, qu'ils ont donc, a priori, des façons différentes de penser la société, ils vont respecter beaucoup plus les idées des autres, ils vont les écouter, ils vont se poser des questions, et dans toutes les délibérations qu'ils font, ils vont arriver à mûrir ce qui serait un peu l'homme parfait, l'homme réfléchi, l'homme non pas neutre, engagé, mais engagé pour le bien commun. Et ça m'a surpris, et je l'ai vu, ils pleurent en général à la fin, les citoyens des conventions. Il pleure, et même dans les conventions Macron, hein, qui ont été un peu bidouillées, malgré tout, il est passé cet esprit-là. C'est-à-dire que les citoyens ont découvert chez eux des pouvoirs qu'ils n'avaient pas, qu'ils ne pensaient pas avoir. Ils ont découvert qu'ils pouvaient être compétents dans des sujets compliqués, parce que autant la fin de vie que le climat, par exemple, et puis tous les autres sujets qui ont été créés depuis longtemps, ils sont capables d'appréhender ces sujets. Ils sont capables de chercher des intervenants, puisque dans les conventions citoyennes, j'ai dit, c'est le comité de pilotage qui désigne des intervenants, mais les citoyens peuvent demander des intervenants supplémentaires qui s'ajoutent, et ils le font très, très souvent d'ailleurs. Et à ce moment-là, il se développe quelque chose comme une autosatisfaction d'avoir fait des choses extraordinaires. C'est mieux que d'avoir réussi aux Jeux Olympiques, hein. Les gens en pleurent tellement ils sont changés. Alors après, il y a des conséquences, hein, sur leur vie personnelle. Beaucoup changent de métier, certains changent de partenaire, enfin, beaucoup de choses se passent parce que c'est très fort. Et ça, c'est, il m'a semblé qu'il fallait honorer cet aspect-là des conventions citoyennes. Et c'est pour ça que j'ai proposé, j'ai pas inventé, parce que le mot humanitude, je m'en suis aperçu après, mais il sert aussi à des gens qui accompagnent les fins de vie, mais disons de façon chrétienne, de façon qui aide les gens à mourir. Bon, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence que demandent les conventions citoyennes. Donc, j'ai reproposé ce mot humanitude pour qualifier cette empathie qu'éprouvent les citoyens quasiment unanimement. Il y en a très peu qui ne l'éprouvent pas, à condition qu'ils soient dans cet environnement où ils sont tout seuls à réfléchir, à décider, et où ils pensent qu'ils ont une chance de changer l'avenir. Il faut qu'ils pensent ça. S'ils pensent que ça ne sert à rien, comme leur a dit la présidente du Parlement, qui est allée les voir pour leur dire à la convention en fin de vie, bon, bah, vous allez discuter entre vous, mais de toute façon, ne faites pas d'illusions, c'est nous les députés qui allons prendre les décisions. Ah, bon, évidemment, c'est monstrueux, c'est d'abord d'avoir rien compris à ce qu'est une convention citoyenne, et puis c'est en plus couper les pattes des gens. Bon, alors, beaucoup se sont mis en colère, et enfin, discrètement, mais ils ont quand même voulu poursuivre le travail, comme si ça allait servir à quelque chose. Et donc, l'humanitude, c'est ce qui s'ajoute à l'intelligence collective qu'on avait déjà, on connaît depuis longtemps. Quand des gens se mettent ensemble pour réfléchir, ils font bien plus que de multiplier par leur effectif le niveau d'intelligence. Ils apportent quelque chose de nouveau, il y a un degré qui est franchi, parce qu'ils sont d'origine différente, parce qu'ils pensent différemment. Et alors, entre l'intelligence collective et cette humanitude, il y a là un double système qui est assez unique, parce qu'on peut retrouver l'humanitude, hein, par exemple, dans des grèves, des grandes grèves qui durent longtemps. Moi, j'avais pensé, par exemple, parce que j'ai vécu ça, grève de l'IP, donc c'était dans les années 70, mais quand ça dure très très longtemps et que les gens collaborent entre eux, s'entraident, eh bien, il apparaît aussi ça, mais ça peut apparaître dans des mouvements plus modestes. L'important, c'est de mettre des gens différents entre eux et de leur laisser prendre le contact et de construire l'avenir. À partir de ce moment-là, il se développe ce truc-là qu'on peut appeler humanitude, je veux bien l'appeler empathie ou autrement, mais il faut qu'il y ait, pour les conventions citoyennes, il faut qu'il y ait aussi l'intelligence collective, c'est-à-dire le résultat d'une discussion fournie et dans tous les détails, ne laissant rien dans l'ombre, pour comprendre ce qui est proposé et ce qu'on pourrait décider avec les différentes possibilités de décision. Donc ça, c'est l'intelligence. Et quand elle est collective, elle est bien plus forte. Eh bien, si vous mélangez ça avec l'empathie, avec l'humanitude, vous arrivez à une situation exceptionnelle qui est certainement ce qu'il y a de plus fort dans l'humanité. C'est ce qu'on retiendra de cette émission. Merci Jacques d'avoir consacré un peu de temps à nos questions et d'y avoir répondu avec autant de clarté. Merci. Au plaisir de te d'avoir des lectures à ton nom. Dans un petit pays qu'on appelait France, un jour on élit un petit garance. Le brushing fourni a l'air dégueulasse, rempli de mépris pour la populace. Il fliquait les gens pour leur faire peur, avait à ses bottes la télévision. Portait les mérites d'un plus dur labeur, fréquentait les riches sans inhibition. Démocratie. Tous les jours je bouffe ce même pain assis. Démocratie. Pendant que moi je bosse, les riches restent assis. Démocratie. Tu m'esclavagises et tu fais comme si. Démocratie. À droite comme à gauche, j'ai le même souci. Il avait vendu le pays entier à des businessmen et à des banquiers, en se foutant bien des acquis sociaux qu'il avait rayé du bout du stylo. Il avait privatisé la santé, piqué les vieillards, piqué les bébés, piqué expliquer les milliards via ses sociétés qu'il avait basées sur les îles Tété, parce que Tété la vache à l'air. Démocratie, tous les jours je bouffe, c'est même pas un racine. Démocratie, pendant que moi je bosse, les riches restent assis. Démocratie, tu m'esclavagisais, tu fais comme si. Démocratie, à droite comme à gauche, j'ai le même souci. Mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Les gens prirent conscience qu'ils se connaissaient, de l'instituteur jusqu'à l'épicier, de monsieur le facteur jusqu'au boulanger, de l'agriculteur jusqu'à monsieur le plombier. Qu'ils n'étaient pas très amis du banquier, ni de monsieur le maire, ni de monsieur le préfet, ni des ministères, ni des PDG, ni des militaires, ni des policiers. Alors ils décidèrent de s'en passer, de leur couper l'eau, de les priver de manger. Ils seraient eux-mêmes maîtres du gâteau, et seraient bien mieux se le partager. Plutôt que de laisser cela devenir gros, ils auraient pour une fois tous à manger. Démocratie. Tous les jours je bouffe, c'est même pas un racine. Démocratie. Pendant que moi je bosse, les riches restent assis. Démocratie. Tu m'esclavagisais, tu fais comme si. Démocratie. À droite comme à gauche, j'ai le même souci. C'est ainsi que tomba le petit prince, dans son piédestal construit de billets. Du fond de sa cellule, je l'entends qui grince, d'avoir eu si mal de dégringoler. Qu'il est mal nourri, qu'il est mal logé, que sa cellule fouette l'insalubrité, qu'il supporte mal la promiscuité, avec ce qu'hier il a enfermé. Et donc c'était Zoufris Maracas avec Démocratie. Vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 et campusil.com DAB+. Et c'est l'émission Angle d'Attaque. On va passer aux actualités d'Attaque. Et c'est Quentin qui s'y colle pour les actualités internationales. Je laisse la main à Didier. Non, c'est, pour l'international, c'est moi. Donc, pardon. Pour lier donc Julian Assange, un rassemblement dans toute la France le 21 mai à 18h. Moi, à Lille, ça sera le 21 mai, mais à 19h, devant le Théâtre du Nord, dans le cadre de l'ulti procès à Londres après un dernier appel formulé par les avocats d'Assange dans le cadre des poursuites judiciaires exercées contre lui par le gouvernement états-unien. Donc il risque toute peine cumulée et confondue 175 ans de prison, un combat international pour la liberté de la presse et pour des médias indépendants. L'argent des banques sans le gaz, donc c'est une campagne d'attaque pour dénoncer aussi les exploitations de gaz naturel qui sont aussi nocives que le charbon ou le pétrole. Sur les européennes, donc une interpellation des candidats aux élections du 9 juin pour leur demander un engagement ferme pour la justice fiscale qui passe par la mise en place d'une taxe sur les transactions financières, un impôt sur la fortune et une imposition planchée sur les bénéfices des multinationales. Et enfin, pour clôturer le chapitre international, leur Europe est la nôtre. Donc ça, c'est un livre édité par Attac et nos amis de la Fondation Copernic. Donc, impasse néolibérale ou bifurcation démocratique, tel est le sous-titre. Au niveau national, la campagne Tax the Rich, donc une pétition lancée par Attac, circule toujours, avec 6 mesures pour dégager 60 milliards d'euros et donner des idées à Monsieur le maire. Taxer les riches, c'est aussi un tract sur quelques mesures fiscales et sociales qu'il s'agirait de mettre en œuvre pour une société plus égalitaire, plus démocratique et plus écologique. Une tribune sur les libertés publiques contre une démocratie bâillonnée, il faut défendre les libertés publiques contre le nouveau macartisme qui met en garde à vue, condamne à de lourdes amendes et parfois même emprisonne des militants politiques et syndicaux à cause de leur position sur le conflit israélo-palestinien. Ensuite, communiquer Lafarge, soutien inconditionnel aux militants arrêtés lors des actions contre Lafarge en décembre 2023 pour protester contre un monde en béton. Soutien à tous les militants inquiétés dans le cadre de la mobilisation écologique et sociale. Sur les super profits, une campagne menée en lien avec Attac et l'agence écologique et sociale pour la taxation des super profits. Ils existent, quoi qu'en disent le patronat et le gouvernement. L'instauration d'une taxe sur les super profits des entreprises et des dividendes des actionnaires rapporterait au bas mot 20 milliards d'euros. Vous n'aimez pas les riches ? Bon, nous, pas vraiment. RCL et AG, donc rencontre des comités locaux et AG, les 15 et 16 juin avec l'Assemblée Générale. Et pour le rassemblement des comités locaux, il y aura des ateliers sur la gratuité, sur le rôle des comités locaux. Christian et une adhérente du comité de Lille animeront l'atelier transport gratuit. Didier qui sera... C'est moi, oui, c'est votre serviteur. Voilà. Et Monique, qui est aussi à l'attaque. Lutter au local, donc lutte contre les expulsions. La PU, que tout le monde connaît, pour son aide aux mal logés, est intervenue en février sur l'expulsion ordonnée par les tribunaux administratifs, l'expulsion des gens du voyage. Sur l'aire d'accueil de Wattignies. Alors, comme ça n'a pas plu à la métropole européenne de Lille, la MEL a fait voter la suppression de la subvention de 38 000 euros. Mais 38 000 euros, ça veut dire que c'est la subvention totale. C'est-à-dire qu'il y a un emploi derrière, là. Ouais. Voilà ce qu'on fait. Hein. Avec un motif à la Darmanin, hein, incitation à la haine et à la violence, les copains de l'APU ont gueulé en disant « Mais n'avez pas honte de ce que vous faites, quoi. » C'est à peu près ça, les insultes dont on les accuse. Alors, évidemment, il faut faire un don et l'APU vous appelle à signer, à donner un peu de pognon en passant par LOSO, l'Agence publique d'urbanisme, hein, j'ai oublié de le dire. Diffusion dans le cadre des européennes et on prévoit une diffusion sur les marchés d'un tract contre l'extrême droite, en lien en principe avec la CGT et la LDH, un recto commun et puis un verso pour chaque partenaire. En ciné-débat, le 6 juin, au Kinopanorama, l'usine, le bon, la brute et le truand, c'est Villeneuve-d'Ascq, le comité local de Villeneuve-d'Ascq qui s'en charge. Pour les transports gratuits, on fera un débat public le 11 juin à la FAL de Roubaix. Il y aura également à la MRES une conférence débat le 28 mai avec Alain Grèche. On parlera de la Palestine, on peut se douter. Et puis, à l'initiative des Amis du Monde Diplomatique, il y aura un débat sur l'extrême droite le 30 mai à 18h à la mairie de Fâche-Thumesnil. Et je termine avec une triste nouvelle. Le copain Nabil est mort. Il était membre de la FPS. Tout défenseur du peuple palestinien le connaissait. Et reconnaissait la pertinence et la finesse de son analyse sur la situation au Proche-Orient. Palestine, les vérités écartées, écrit avec son ami Rudolf Kusch, décédé lui en 2016, je crois, était une mise en perspective argumentée par ces deux grands intellectuels du conflit israélo-palestinien. Nabil est né dans un camp en Jordanie. C'est en Jordanie qu'il sera enterré. À toi. Ouais, et donc rendez-vous méritant. Alors, pour commencer, le lundi 20 mai à 17h, présentation du livre « L'imposture du travail » avec l'autrice Maud Simonet. Repenser le travail à partir du travail gratuit et invisible. Aujourd'hui, la définition du travail est encore construite à partir d'un sujet masculin et associé à la rémunération, l'emploi, la production. Qu'il soit domestique, associatif, lié aux soins, qu'il s'agisse de bénévolat, de stage ou d'engagement citoyen, autant d'activités qui ne sont pas considérées comme du travail, mais relèveraient de valeurs, l'amour, la passion, la citoyenneté et l'insertion. Dès lors, une autre perspective s'ouvre qui oblige à penser conjointement travail rémunéré et travail gratuit, travail visible et travail invisible, en questionnant les frontières du travail et leurs usages. Désautrocentrer le travail, c'est ainsi se donner les moyens de repenser l'exploitation et de renouveler les luttes pour l'émancipation du travail. Donc ça sera à l'Offensive, 41 rue Valmy à Lille, et donc ce lundi à 17h. Ensuite, La Voyette est une association d'éducation populaire et elle fait son gestival. Oui, j'ai bien dit gestival, j'ai comme gesticulé. C'est donc un festival de conférences gesticulées les 24, 25, 26 mai. Et c'est à la Bourse du Travail de Lille, 254 boulevard de l'Usine. Et donc au programme, le vendredi 24 mai à 19h, conférence d'Emmanuel Cournari, intitulée « Précarité, mon amour, une autre histoire du néolibéralisme ». Et le samedi 25 mai à 14h, conférence de Laetitia Pietka, une cassos à l'affiche, sois bête et tais-toi, parcours d'une prole en rébellion. Suivi d'une discussion sur les femmes et la précarité. Puis à 20h, une deuxième conférence de Véronique Durand, la cigogne aux œufs d'or, marchandisation de la petite enfance. Et enfin, le dimanche 26 mai à 14h, une dernière conférence d'Elisabeth Ferry, Tagada Soin-Soin, les astuces de Sioux d'une aide-soignante à l'hôpital du commerce. Suivi d'une discussion, c'est vie qu'aux marchandises. Et donc, pendant toutes ces après et avant, ces conférences, bars et petites restaurations sur place. Et donc, les conférences sont à prix libre et conscient, bien qu'il est conseillé de donner 5 euros minimum. C'est bien, hein, et donc, et plus c'est mieux, évidemment. Donc, détail du programme et prévente sur le site la-voyette.net. Et bon, on va s'arrêter là. Vous pouvez retrouver ces rendez-vous et d'autres sur le site l'île-démosphère.net. Voilà, bon week-end. Merci à tous. Prenez soin de vous. Week-end prolongé, effectivement, par la grâce de Dieu. Et. Rendez-vous donc au mois de juin avec la paysannerie et l'agriculture que nous voulons. Merci.